des grandes informations scientifiques de l'été, le 20 juillet dernier, un groupe international d'astrophysiciens a publié la plus grande cartographie de l'univers en trois dimensions. Une carte qui s'appuie sur 20 ans d'observation de l'espace qui permet de remonter jusqu'à 11 milliards d'années, soit 80% de l'histoire de l'expansion cosmique, et qui inclut plus de 4 millions de galaxies. Bref, c'est la carte de toutes les surenchères, mais que nous dit-elle précisément du cosmos ? Que nous apprend-elle de la forme de l'univers, de son expansion, voire de la mystérieuse énergie noire qui en constitue plus des deux tiers ? Autant de questions auxquelles nous allons tâcher de répondre. Cartographie de l'univers, changement d'échelle, c'est le programme localisé qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour ce deuxième numéro donc de notre cinquième saison, nous allons revenir sur cette annonce majeure de l'été. Nous avons le privilège d'en parler avec Jean-Paul Kneib. Bonjour. Vous êtes astrophysicien à l'École Polytechnique de Lausanne et initiateur du projet IBOS, hein, qui est le quatrième et dernier relevé qui a permis de compléter et de constituer cette carte de l'univers en 3D. Nous sommes également en compagnie, avec grand plaisir, de Christophe Hiège. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cosmologiste, directeur de recherche au CEA de Saclay, à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers. Mais on commence, eh bien, comme chaque jour, par une cartographie non pas de l'univers, mais de l'actualité des sciences et de la recherche. Et c'est comme chaque jour avec Natacha Triou pour le Journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec cette information. Les chercheurs de l'université de Hong Kong ont confirmé hier le premier cas de réinfection au Covid-19. Et c'est une annonce qui est très reprise dans la presse, mais attention, pour le moment, nous n'avons toujours pas l'étude. Elle est en attente de publication. Alors, selon le communiqué de presse, un jeune homme de 33 ans, que l'on appelle déjà le patient de Hong Kong, a guéri du coronavirus en mars dernier. Il a été testé négatif à deux reprises. 4 mois et demi après, il vient à nouveau d'être testé positif au SARS-CoV-2. Après des analyses génétiques, les chercheurs affirment qu'il s'agit bien d'une nouvelle contamination et de deux souches de virus différentes. Alors cette annonce réanime la crainte sur l'efficacité des anticorps développés. Mais selon Samuel Alizon, directeur de recherche au CNRS à Montpellier en biologie de l'évolution et en épidémiologie, tirer des conclusions avec seulement un seul cas, c'est aller un peu trop vite en besogne. C'est vrai que c'est une vision qui pousse à l'extrême le côté individuel par opposition au côté populationnel. C'est-à-dire qu'à partir d'un cas clinique, dont encore une fois on ne sait pas grand-chose, ils vont faire des généralisations sur des processus qui se placent au niveau populationnel, notamment sur la vaccination et l'immunité de groupe. À l'inverse, il y a un article qui est un preprint, mais qui lui décrit une épidémie qui a eu lieu en mai sur un navire de pêche, avec à peu près 120 personnes à bord. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnes avaient été testées avant de s'embarquer. Et du coup, on a pu voir en fait combien de personnes avaient été infectées au cours de cette épidémie sur ce bateau. C'est à peu près 87%, je crois, des marins. Donc ça nous donne une information là sur un processus populationnel qui est que sur 120 personnes, vous en avez une centaine qui sont infectées. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que 3 des personnes avaient des anticorps, en fait. Ça avait été testé avant aussi. Et aucune de ces 3 personnes n'a été testée positive pendant l'épidémie du coronavirus sur le bateau. Et donc là, on peut se placer à un niveau populationnel. Et en fait, même au niveau statistique, la différence est significative. C'est-à-dire que le fait d'avoir des anticorps neutralisants a protégé ces personnes contre la réinfection. Cette étude-là, au moins, considère 120 personnes. Et effectivement, est en mesure de faire un test statistique. Encore une fois, sur l'autre étude, de toute façon, c'est un seul cas. On ne peut pas faire de statistiques sur un seul cas, et l'étude n'étant pas publiée, on peut pas en dire grand-chose. Voilà, et pour continuer à appréhender avec prudence toutes ces informations autour de l'épidémie de Covid, eh bien, nous en parlerons évidemment régulièrement, si ce n'est quotidiennement, le cas échéant, et quand il en sera bien besoin, dans le Journal des sciences tous les jours, que vous pouvez retrouver sur le site de France Culture, sur la méthode scientifique, ainsi que sur notre fil Twitter, @lamethodefc. Et on passe au bref. Selon une prépublication parue sur le site Archive, les mystérieux sursauts radio répétitifs émettent à nouveau. Les rafales radio rapides, ce sont des sursauts d'ondes radio extragalactiques qui libèrent en quelques millisecondes autant d'énergie que le Soleil en 10 000 ans. Le phénomène reste mal expliqué, il est imprévisible, donc difficile à étudier, et on ne pensait pas qu'il pouvait être périodique. En juin dernier, les chercheurs de l'université de Manchester ont fait une découverte inexplicable. FRB 121102, des sursauts radio rapides à la fois répétitifs et périodiques. Avec un modèle cyclique de 157 jours, en activité pendant 90 jours, puis une période de silence de 67 jours. Conformément aux prévisions de son cycle d'activité, la source s'est réactivée au moment attendu, soit le 9 juillet dernier. Pour mieux comprendre ces phénomènes, c'est une aubaine. Une équipe américaine vient de créer les premiers organoïdes cardiaques fonctionnels. Et les organoïdes, ce sont des mini organes de synthèse créés in vitro à partir de cellules souches pluripotentes humaines et à des fins de recherche. Et c'est pour mieux comprendre les malformations cardiaques congénitales que ces chercheurs ont créé ces mini-cœurs humains. Selon leur prépublication parue sur BioArchive, leurs organoïdes cardiaques reproduisent le développement cardiovasculaire d'un fœtus. Ils contiennent toutes les fonctions primaires d'un véritable cœur, sa morphologie, ainsi que la complexité du type cellulaire. Ces mini-cœurs ont commencé à battre au bout du sixième jour. Et enfin, pourquoi sommes-nous capables de commettre des atrocités lorsque l'on nous en donne l'ordre? Selon une étude parue dans Neuroimage, c'est la faute à notre cerveau. Des chercheurs de l'Institut néerlandais de neurosciences ont mené une expérience avec 20 volontaires. Alors, comme dans la célèbre expérience de Milgram, les cobayes devaient infliger des décharges électriques à des innocents, soit sous des ordres, soit quand ils le souhaitaient, en échange d'une petite somme d'argent. Lorsque nous avons une réaction empathique face à la douleur d'un autre, ce sont les régions impliquées dans le ressenti de notre propre douleur qui s'activent. Et les images cérébrales de l'expérience ont montré que lorsque les cobayes reçoivent un ordre, cette zone d'activité diminue. En d'autres mots, répondre à des ordres diminue nos réponses empathiques et notre culpabilité. Merci beaucoup Natacha et je vous donne l'ordre de revenir demain pour le prochain journal des sciences, mais ça n'a évidemment rien à voir avec la douleur. Voilà, il est 16h08, vous écoutez France Culture et la méthode scientifique. Quand on la regarde, c'est une sorte de double éventail coloré qui va du vert fluo au gris blanc en passant par le rouge sombre, le bleu turquoise et le jaune. C'est une carte en trois dimensions, c'est-à-dire que l'on peut naviguer à l'intérieur, elle est répartie en deux cônes distincts et elle représente la plus vaste et la plus complète des cartographies que nous ayons de l'univers connu. Elle inclut plus de 4 millions de galaxies de quasars et remonte jusqu'à 11 milliards d'années, soit un peu plus de 2 milliards d'années avant le Big Bang. C'est un exploit technique et analytique que nous allons vous raconter aujourd'hui et pour vous donner une idée des progrès accomplis dans notre connaissance de l'univers visible. Écoutez donc notre archive du jour. Nous sommes en 1967. C'est l'astronome Paul Couder qui s'exprime sur les ondes de France Culture et qui explique jusqu'où peut porter à ce moment de notre histoire notre regard dans l'univers. Il en résulte qu'au début de ce siècle, si on allait à 50 années de lumière, c'était, à strictement parler, pour nous le bout du monde. La perspective a changé lorsqu'on a pu essayer de déterminer les distances par cet effet de perspective, par ce changement dans le panorama céleste en fonction du déplacement annuel de la Terre. On s'est adressé à des méthodes photométriques, et en particulier certaines étoiles variables qu'on appelle les céphéides, dont on connaît très bien l'éclat absolu, c'est-à-dire la puissance lumineuse qu'elles dégagent. Alors si on voit une céphéide dans l'univers, dans des objets de plus en plus lointains, on la voit de plus en plus petite, et elle nous sert comme un phare, comme une balise pour déterminer l'éloignement de ces objets. Par les céphéides, on a d'abord pris conscience de l'éloignement des amas globulaires, qui en renferment beaucoup, et grâce à ces amas globulaires, qui sont des satellites de notre Voie lactée, que nous appelons notre galaxie maintenant, par les amas globulaires, on s'est aperçu que nous appartenions à cet immense ensemble comportant des milliards d'étoiles, au sein duquel notre Soleil est une modeste composante. Voilà Paul Couder en 1967 sur France Culture. 50 000 ou 50 millions d'années-lumière, je ne sais plus, Christophe Hiesch, c'était la porte à côté aujourd'hui, c'était le bout du monde, pardon, aujourd'hui c'est la porte à côté. Oui, ça laisse un peu rêveur, mais ces techniques de céphéides sont encore utilisées et sont à la source de controverses qu'il y a, par exemple, dans la mesure de le taux d'expansion de l'univers. Et nous l'attaquons de notre façon. Donc, je pense que ça reste quand même d'actualité. Et c'est magnifique d'entendre ces paroles-là. Jean-Paul Kneip, votre réaction à cette archive? Alors, c'est intéressant, ça correspond à ma date de naissance. Donc, les choses ont bien évolué depuis. Et effectivement, c'est observer l'univers, on le fait par différentes techniques. Et c'est par croiser de plusieurs informations qu'on arrive à comprendre, en fait, de quoi il est fait et comment il évolue dans le temps. Puisque là, si on devait appliquer vraiment stricto sensu la même échelle que celle utilisée par Paul Couder, on pourrait dire que la carte que vous avez contribué à développer, elle nous permet de remonter jusqu'à 11 milliards d'années-lumière. Oui, tout à fait. Alors bien sûr, cela sous-entend un modèle de notre univers, parce qu'on est obligé de définir une relation entre le distance et ce qu'on appelle le redshift. Et pour cela, on a besoin aussi d'un modèle d'univers pour lequel Einstein et sa théorie de la relativité générale nous a donné un cadre mathématique. Et on travaille dans ce cadre mathématique pour définir effectivement les distances et l'évolution de notre univers. Alors on va redéfinir un peu tout ça et comment, de quelle façon vous avez procédé pour aboutir à cette immense, cette gigantesque, cette universelle carte en 3D, si on devait utiliser l'acception étymologique du terme. Mais peut-être un mot, Christophe Hiesch, c'est vrai que quand on parle de cartographie de l'univers, on en a parlé ici à plusieurs reprises, on parlait de différentes choses. On a parlé avec Hélène Courtois de l'Aniakea, on a parlé des représentations cartographiques des grands vides, du vide local, des filaments. On a toujours l'impression que c'est effectivement une sorte de surenchère. Est-ce que c'est vraiment la plus grande carte? Qu'est-ce qu'elle a de particulier finalement cette carte? Pourquoi est-ce qu'elle a fait tellement sensation lorsqu'elle a été publiée au cours de l'été? Elle est d'abord très importante au niveau de la partie de la voûte céleste qui a été observée. Elle couvre à peu près un tiers de la voûte céleste, donc c'est relativement important. Donc les positions x, y, si l'on veut, dans le ciel. Et ensuite, la troisième coordonnée, c'est-à-dire la profondeur à laquelle on va aller le voir, est considérable puisqu'on utilise des quasars, qui sont les objets les plus lumineux, les plus lointains, pour observer vraiment le tout début de l'univers. C'est un univers à 14 milliards d'années, donc c'est la lumière qui a été mise il y a 12 milliards d'années que l'on observe. Donc on est vraiment presque au fond de l'univers avec cette carte-là. On va bien sûr revenir là-dessus précisément. Jean-Paul Kneip, qui veut dire que aujourd'hui, quand on voit la carte qui est publiée aujourd'hui, qui permet de remonter jusqu'à 11 milliards d'années, ça veut dire que bien la prochaine étape d'ici quelques années, d'ici quelques dizaines d'années, c'est de remonter directement à 13,8 milliards d'années. Ça veut dire qu'on va pouvoir remonter au-delà du fondifique cosmologique jusqu'au Big Bang. Alors, oula, on a un petit problème de liaison avec Jean-Paul Kneip. Alors du coup, je vais vous poser cette question, Christophe Hiesch. Ça veut dire qu'on va pouvoir remonter jusqu'au Big Bang juste par l'observation. On va remonter très loin, mais avec ces techniques-là, finalement, on va remonter à peut-être 13 milliards d'années. On peut pas remonter jusqu'au Big Bang. Les premiers photons qu'on voit sont ceux qui sont issus du fond diffus cosmologique, donc 400 000 ans après le début de l'univers. Donc nous, avec des galaxies que l'on observe, avec ce type de technique, on va remonter jusqu'à 13 milliards d'années. Typiquement. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Vous écoutez la méthode scientifique, nous parlons donc de cette immense carte en trois dimensions de l'univers. Je l'ai rapidement décrite dans l'introduction de cette émission, mais je vais peut-être vous laisser le faire, Christophe Hiesch. Vous pouvez évidemment la visualiser sur notre fil Twitter @laméthodefc ainsi que sur franceculture.fr sur la page de l'émission La Méthode Scientifique. Comment est-ce que vous la décriez? Qu'est-ce qu'on voit sur cette carte, Christophe Hiesch? D'abord, il faut peut-être expliquer la technique pour l'observer, pour l'obtenir. Comme j'ai dit, on observe des objets sur la voûte céleste, donc on a la position XY. Et on parle de carte à trois dimensions, donc il faut avoir la troisième dimension. Cette troisième dimension, on l'obtient en mesurant le décalage vers le rouge, le redshift. Pourquoi ? Parce que notre univers est en expansion, donc plus il s'éloigne plus en plus de nous, et donc on va pouvoir mesurer ce décalage vers le rouge, il va nous donner une information sur la troisième dimension. Mmh. Voilà. On peut rappeler pour les auditrices et les auditeurs que c'est ce redshift, ce décalage vers le rouge, qui permet également de calculer l'expansion de l'univers. C'est comme ça qu'on voit que les galaxies sont en train de s'éloigner de nous. Exactement. Et un autre point qui est important, c'est que pour mesurer ce redshift, on applique une technique très particulière, c'est qu'on va étudier un spectre de nos objets. Nos objets, ça peut être des galaxies, des quasars. Et un spectre, ça signifie quoi ? C'est qu'on va récolter la lumière, on va l'étaler, on va le faire passer à travers un prisme qui va séparer les différentes couleurs et on va pouvoir caractériser cet objet. Et on le caractérise, on arrive à voir si c'est un quasar, une étoile, et aussi on va pouvoir en déterminer ce fameux décalage vers le rouge, puisqu'un spectre d'un objet a des raies d'émission, a des longueurs d'onde données, et on va mesurer ce décalage vers le rouge. Voilà la technique. C'est une signature spectrographique qui vous permet de savoir exactement quelle est la nature de l'objet que vous observez. On sait où il est sur la voûte céleste, et ensuite... On connaît la nature, on confirme la nature, et ensuite on détermine ce fameux redshift, ce décalage vers le rouge, et on obtient la troisième coordonnée. Qui est donc, une sorte de coordonnée temporelle en quelque sorte. À la fois spatiale et temporelle. Mmh. Puisque ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on s'éloigne de nous, on remonte aussi dans le temps. Donc ce sont des objets très primordiaux, plus jeunes, lorsqu'on va remonter dans le temps. Et d'ailleurs, ces caractéristiques sur cette carte que l'on voit, il y a différentes couleurs dans cette carte parce que c'est différents types d'objets, de traceurs de la matière. Et ces objets correspondent à des évolutions différentes des galaxies. Par exemple, ce qui sont très proches, ce sont des objets qui sont très anciens, typiquement des galaxies rouges, formées. Très près donc aussi. Très proches de nous, mais très anciennes. Et ensuite, on va aussi étudier des galaxies qui sont plus jeunes, en train de former des étoiles, qui mettent leur lumière il y a 7, 8 ou 9 milliards d'années. Tandis que les objets plus proches ont émis leur lumière il y a 3 ou 4 milliards d'années. À peu près le même âge que nous, grosso modo. Donc Notre galaxie est plus ancienne. Elle a de l'ordre de dizaines de milliards d'années. C'est notre système solaire qui a 5 milliards d'années. C'est ça. Oui, bien sûr, vous avez absolument raison. Du coup, alors, on va reparler un peu de tout ça et des différents objets qui vous ont permis de mesurer bien dans la profondeur de l'univers, justement, bien pour constituer cette carte en trois dimensions. Jean-Paul Knepp, que nous avons récupéré, j'aimerais que vous nous décriviez tout de même un peu, parce que je l'ai dit en quelques mots tout à l'heure, mais vous nous décriviez cette carte. Comment est-ce qu'on la voit? Comment est-ce que on la regarde? Et puis, comment est-ce qu'on peut la comprendre, cette carte, exactement, quand on l'observe? Alors, c'est une représentation, déjà, hein, cette carte. C'est bien sûr une représentation numérique de ce qu'est l'univers. Et donc on se place au centre de cette carte parce que nous on a une vision à 360 degrés de l'univers quelque part. Et la position centrale est juste parce que on est sur la Terre et puis on regarde dans toutes les directions. Et donc on est comme en quelque sorte on est au centre d'une sphère et là, on a des sphères de différentes rayons, on va dire. Et chacun des rayons va correspondre à une distance plus éloignée de nous, mais qui va correspondre aussi à un temps de plus en plus lointain dans le passé. Et donc, en fait, plus on va s'éloigner du centre, plus on va remonter dans le passé. Et donc, plus la distance à ces objets sera grande. Alors, ce qui n'est pas forcément immédiat, à comprendre aussi dans cette représentation, c'est que la densité de matière de l'univers, elle va augmenter plus on va s'éloigner de nous. Et quelque part, c'est un peu trompeur parce que l'univers était plus petit, en quelque sorte, il avait une échelle plus petite dans le passé, alors qu'on a l'impression ici que ça paraît plus grand. Donc il y a oui. une une complexité dans l'interprétation de la carte. Une sorte de dissonance cognitive, effectivement, parce qu'on a l'impression qu'on s'éloigne et que ça devient de plus en plus grand, alors qu'en fait, plus on s'éloigne, plus l'univers est dense, plus l'univers est petit. Peut-être un mot, j'aimerais que vous nous parliez, Jean-Paul Kneb, aussi, de la façon dont on a acquis ces données, parce que c'est des données qui ont été acquises pendant 20 ans, à partir d'un observatoire en particulier. Racontez-nous un peu ce que c'est que ce SDSS, est-ce que c'est que ce projet BOSS-IBOSS qui ont permis de collecter ces données. Alors, l'idée du projet, ça a commencé il y a maintenant plus de 25 ans. L'idée, c'était de faire un télescope grand champ. Alors, à comparer des autres télescopes qui existaient alors, qui essayaient de regarder plus loin, mais avec des angles de vue de plus en plus petits, juste, en fait, ça c'est lié à la technologie du télescope. Donc, un peu la révolution de ce télescope, ça a été d'avoir un très grand champ de vue, et ainsi on pouvait faire une carte de l'univers plus facilement. Et donc la première carte qui a été faite avec ce télescope, c'était la carte de la position des objets dans le ciel. Donc c'était une image de tous les objets qui étaient visibles par ce télescope-là, et ce en plusieurs couleurs. Donc on regardait le ciel en plusieurs couleurs, donc de l'ultraviolet quasiment jusqu'à l'infrarouge. Et ça a été la première étape, faire cette carte de la position angulaire sur le ciel de toutes les étoiles et les galaxies dans ces deux cônes qu'après on est allé transformer en trois dimensions. Mmh. Donc ça c'était la première étape. Et puis après, on a rajouté un spectrographe au télescope qui permet de faire cette analyse spectroscopique et faire cette mesure de distance, enfin effectivement de redshift, de mesure d'effet Doppler sur nos galaxies et nos quasars. Et ça nous a donné les trois dimensions. Et bien sûr, ça s'est fait par étapes. Et on a commencé tout d'abord par les objets les plus proches. Et puis plus on a réfléchi sur la technique d'observation, plus on a réussi à sélectionner des objets qui étaient de plus en plus lointains. Donc au début c'était un peu, on faisait un essai, on a fait l'univers très local, c'est-à-dire plus proche de nous, et puis après on a choisi de manière la plus effective possible en regardant les couleurs des galaxies. Les galaxies qui étaient de plus en plus loin. Donc, il y a eu deux sondages récents, donc BOSS et IBOSS, dont vous avez mentionné le nom, qui ont pour but de faire cette mesure précise sur l'évolution de l'univers au cours du temps. On va redire un mot de BOSS et IBOSS dans un instant, exactement de la technique qui est utilisée, parce que je trouve que c'est assez passionnant. Peut-être un mot, Christophe Hiesch, tout de même sur ce SDSS. Le télescope, c'est un tout petit télescope en fait, oui, c'est 2,5 mètres. 2 mètres, oui, 2,5 mètres, c'est un tout petit télescope. Mais l'avantage de ce télescope, comme l'expliquait Jean-Paul, c'est qu'il a un très grand champ de vue. Donc l'idée... Cette mesure, c'est une mesure statistique. Il faut regarder des milliers, voire des millions d'objets, de galaxies. Et donc, il faut être capable d'observer une grande partie du ciel et pour aller très vite et pour, à la fin, avoir une très grande statistique. Toute l'information qu'on extrait, c'est à partir de mesures statistiques sur un grand nombre de galaxies ou de quasars. Donc, il est parfaitement adapté à ce qu'on voulait faire. Sloan Digital Sky Survey pour SDSS, c'est le relevé numérique du ciel Sloan, puisque le nom provient de la fondation Alfred Sloan. Peut-être un mot également pour dire que c'est une aventure internationale, hein, puisque oui, la France participe avec le CNRS. C'est un projet qui est aux États-Unis, qui a commencé il y a plus de 25 ans maintenant, qui a été rejoint par un groupe français, par plusieurs groupes français, du CNRS, du CEA, et des groupes européens, puisque Jean-Paul est à Lausanne, mais il est en France avant. Et la partie française, finalement, est non négligeable. Elle est relativement importante. En particulier dans la fin du projet, toutes ces études sur l'extension de BOSS, dirigée par Jean-Paul, a été en grande partie réalisée par des groupes français. Et ça, c'est remarquable. Alors justement, pour parler de eBus, BUS c'est B-O-2-S pour Baryonic Oscillation Spectroscopic Survey. Je vais vous laisser le traduire, Jean-Paul Kneib. Racontez-nous un peu ce que c'est que cette oscillation baryonique que vous utilisez justement via l'analyse spectroscopique. Alors, ce qu'on essaye d'identifier, c'est ce qu'on appelle cette oscillation baryonique. Et ça, c'est un résidu, en quelque sorte, d'oscillations qui ont eu lieu au tout début de l'univers qui se sont, en quelque sorte, figées au moment de ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, l'émission du fond diffus cosmologique. C'est au moment du découplage entre la matière et l'énergie. Exactement. Et donc là, on a eu des oscillations... Donc tout au début de l'univers, et elles ont laissé une empreinte en fait dans la matière, et cette empreinte est restée tout au long de l'univers et elle grandit avec l'univers. Et cette empreinte, elle a une taille caractéristique, une distance caractéristique, comme une règle cosmique, et c'est cette règle cosmique qu'on essaye de mesurer à différentes époques. Au cours de l'univers. C'est pour ça que c'est important quand on a fait cette carte, comme vous l'avez dit, aussi bien la distance, elle est liée au temps. Donc quand on mesure à certaines distances et donc à certaines époques de l'univers cette règle standard, c'est comme ça qu'on arrive à déterminer l'expansion de l'univers et son évolution au cours du temps. On peut rappeler brièvement pour les auditrices et les auditeurs que ce qu'on appelle matière baryonique, c'est ce que l'on connaît comme étant constitutif de la matière normale, entre guillemets, si je vais me faire taper dessus pour utiliser le mot normal. Enfin, ce sont en tout cas les neutrons et les protons. C'est la table, c'est le soleil, les gaz qui constituent 6% de l'univers, et on y reviendra. Pour comprendre comment a été justement assemblée cette immense carte, nous nous sommes rendus à l'IRFU, l'Institut de Recherche sur les Lois Fondamentales de l'Univers, qui se trouve au CEA. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Voilà, ravi de vous retrouver pour ce premier reportage direct à Saclay. Hein. Oui, ça vient de vous faire plaisir d'ailleurs. Mais pour la bonne cause. Mais oui, parce que c'est là-bas, à l'IRFU, entre autres, qu'on a fait l'analyse des données. Un travail qui est colossal, car c'est des millions d'objets qu'il a fallu caractériser, des galaxies qui témoignent de l'évolution de l'univers sur 11 milliards d'années. C'est donc une carte à la fois géographique et temporelle, où l'on peut se promener, voyager à travers les galaxies rouges, bleues et même jusqu'aux quasars qui sont aux confins de l'univers. Pour réaliser cette carte, les chercheurs ont passé des années à dépouiller les données. Étienne Burtin, lui, travaille depuis 2014 sur eBus en se concentrant sur les mesures de redshift des galaxies pour connaître leur distance par rapport à nous. Et au-delà de ça, ces travaux ont permis d'affiner des paramètres fondamentaux comme l'expansion, la courbure de l'univers ou bien la constante de Hubble. Quand on prend les données, ce que je fais par exemple tous les matins, c'est quand j'arrive ici, j'ai une page où tous les matins, je peux regarder quelles ont été les données prises pendant la nuit. Donc le programme BOSS eBOSS, du programme SDSS, ça commence par ce qu'on appelle un relevé photométrique du ciel. On va juste faire des images du ciel en différentes bandes de longueur d'onde. Et à partir de ces images du ciel, on va déterminer quels sont les objets dont on va vouloir mesurer le spectre. Alors on va mesurer le spectre pour pouvoir déterminer à quelle distance se trouvent les objets. Donc le laboratoire a participé à ce programme en se focalisant sur un des objets astrophysiques qu'on appelle un quasar. Les quasars, c'est des objets très très brillants qui nous permettent d'aller accéder à l'univers, un univers très lointain. C'était vraiment la plus-value, le fait de cartographier ces quasars, en plus des galaxies rouges ou bleues. Alors c'est une des plus-values importantes, surtout pour eBOSS, parce que le programme BOSS, c'était des galaxies plus proches. Et un des impacts importants de eBOSS, c'est par l'observation des quasars, de pouvoir accéder à une époque de l'univers qui n'avait pas encore été sondée, l'univers qui est entre 6 et 12 milliards d'années, sachant que l'univers a un âge de à peu près 13,8 milliards d'années. Donc on a cette première partie où on fait de l'imagerie du ciel, ensuite où on va sélectionner quels sont les objets astrophysiques dont on va vouloir mesurer le spectre. Donc on sélectionne ces cibles. Et la grosse plus-value de BOSS-eBOSS, c'est de pouvoir mesurer le spectre de 1000 objets en même temps. Donc plutôt que de passer les objets un par un, là on va les passer 1000 par 1000. Et c'est vraiment la caractéristique de Boss eBoss, c'est qu'on est une usine, vraiment une usine, à mesurer ce qu'on appelle le décalage vers le rouge, en anglais le redshift, et en tournant pendant plusieurs années, eh bien on a mesuré le décalage vers le rouge de plus de 3 millions d'objets différents. C'est de cette manière-là qu'on aboutit à cette carte. Donc c'est la carte des objets astrophysiques de l'univers. Alors pour la décrire, là nous on serait au centre, et qu'est-ce qu'on voit selon les différentes sections colorées ici? Voilà, alors on a différentes sections colorées, donc alors en fait, on a deux grands groupes et qui correspondent en fait à les hémisphères galactiques. Il y a une zone où il n'y a rien, parce qu'on ne peut pas mesurer, parce qu'il y a la voie lactée qui nous empêcherait de pouvoir mesurer les objets. Oui, c'est un peu les angles morts, en fait. Voilà, c'est un peu les angles morts, exactement. Et ensuite, on a alors différentes couleurs, qui ne sont pas vraiment la couleur des objets qu'on détecte. Donc on a des objets qui sont proches de nous. Proches de nous, ça veut dire qu'ils correspondent à un univers récent. Et on a des objets de plus en plus lointains, donc là vous voyez avec différentes couleurs, c'est des objets de plus en plus lointains. Lointains dans le temps aussi. Lointains, donc c'est ça, en distance et donc lointains dans le temps. Et on aboutit aux quasars, là que vous voyez ici en jaune, qui vont nous permettre de mesurer l'expansion de l'univers jusqu'à environ 11 milliards d'années. Et alors ce qu'on voit aux limites, c'est le rayonnement fossile? Exactement, donc aux limites de cette sphère, c'est le rayonnement diffus cosmologique. Donc là, j'ai une autre carte que je peux vous montrer. C'est une carte en 2D sur la voûte céleste, en fait. Et ici, vous voyez, donc on rentre dans l'univers et on voit les différents relevés. Et donc là, on peut cliquer sur les différents objets. Et là, vous voyez, c'est les quasars ici en jaune. C'est les quasars en tant que traceurs de la matière, donc qui vont permettre de mesurer la distribution de la matière. Et donc ici, vous avez les caractéristiques. Donc l'âge, en gros, de l'univers qu'on sonde, dans ce cas-là, c'est entre 7 et 11 milliards d'années. Et on a un redshift entre 0,8, un décalage vers le rouge entre 0,8 et 2,2, qui correspond à cette zone qui était insondée jusqu'à présent. On a vraiment l'impression de voyager à travers le cosmos. C'est un voyage à travers le cosmos. Et alors c'est un voyage qui, pour nous, est très intéressant parce qu'on va... Avec tous ces différents façons de sonder l'expansion de l'univers, on va pouvoir regarder comment l'expansion de l'univers a varié au cours du temps. Et ça, c'est très important pour pouvoir affiner notre compréhension de l'évolution de l'univers, tester les modèles, les différents modèles que la communauté regarde. Ce qui est aussi fondamental, c'est de pouvoir comparer les résultats, par exemple, du fond diffus cosmologique et les résultats qu'on obtient avec les relevés de galaxies. Dans le domaine de la cosmologie, on a vraiment la chance d'être dans une phase où il y a des projets nouveaux qui arrivent. Il y a le projet Euclide, qui est un satellite européen, qui va décoller, le lancement est prévu en 2022, et qui va mesurer également les spectres de millions d'objets. Donc là, on va passer à la classe supérieure, on va passer de 3 millions d'objets à 40-50 millions. Et il y a également le projet DESI, Dark Energy Survey Instrument, qui est un relevé au sol, qui est en gros le grand frère de eBoss. eBoss, c'était un télescope de 2,50 m 1000 fibres. DESI, c'est un télescope de 4 mètres et 5000 fibres. On va mesurer le spectre de entre 30 et 50 millions d'objets. On change d'ordre de grandeur et il y a des découvertes à venir et on est tous impatients de pouvoir prendre les données. Voilà le reportage de Céline Lezenne autour bien justement de cette collecte de données pour la constitution de cette immense carte en trois dimensions. J'aimerais bien votre réaction l'un à l'autre. Christophe Hiesch a commencé puisque c'est chez vous qu'on est allé. Oui, je pense que pour un peu rebondir sur ce qu'a dit Étienne, ce qui est important, c'est que on est parti avec des petits projets et c'était une technique qui est finalement assez récente, qui date de première publication 2005. Et 15 ans après, c'est une technique bien ancrée dans la recherche en cosmologie et on va vers des télescopes plus grands avec des techniques. Typiquement, on était capable d'observer 1000 objets simultanément dans les futurs télescopes, dans les futurs projets qui vont démarrer. Dans quelques mois, on sera capable d'observer 5000 objets simultanément. On aura un télescope de 4 mètres au lieu d'un télescope de 2,50 mètres. Donc c'est une technique qui est bien en place et qui est en constante évolution. C'est-à-dire on améliore pour aller plus vite, pour aller plus loin, pour avoir plus d'objets à la fin. Plus d'objets, plus de galaxies, de quasars. Jean-Paul Kneeb, votre réaction à ce reportage ? Ouais, c'est intéressant de voir. En fait, pour aboutir à ces résultats, c'est une collaboration internationale qui est en œuvre. Et je trouve que c'est très chouette de voir que, en fait, ces résultats, c'est le fruit de la collaboration de plusieurs groupes à travers le monde entier. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'a dit Christophe, la composante, le travail dans IBOS a été beaucoup fait en Europe finalement, et beaucoup fait par les Français. Bon, je suis français moi-même, donc je me sens tout à fait concerné aussi. Et je trouve ça très chouette parce qu'on arrive finalement à avoir des résultats en Europe sur des expériences organisées aux États-Unis, et ça, je trouve que c'est un chouette résultat. Bien, après avoir parlé de cette carte, dont on va continuer à reparler un peu, parce que on va parler bien des différents objets que vous avez utilisés pour la constituer, il y a des choses assez surprenantes et assez passionnantes, j'avoue. Eh bien, on va également parler des conclusions que l'on peut en tirer et de ce que ça amène comme connaissance, eh bien, autour de la nature de notre univers, et puis parfois même, en général, pour la physique théorique. Stars, they come and go, they come fast, they come slow. They go like the last light of the sun, all in a blaze. And all you see is glory. But it gets lonely there when there's no one there to share. You can shake it away if you'll hear a story. People lust for fame, like athletes in a game. They break their collarbones and come up swinging. Some of them are down, some of them are crowned. Some are lost and never found. But most have seen it all. They live their lives in sad cafes and music halls. And they always have a story. Some make it when they're young, before the world has done its dirty job. Later on, someone will say, you've had your day. Now you must make way. But they'll never know the pain of living with a name you never owned. Or the years of forgetting what you know too well. That you who gave the crown have been let down. You try to make amends without defending, perhaps pretending. La si belle voix de Nina Simone à 16h38 sur France Culture, Stars, puisque c'est ce dont il est évidemment question, c'est un peu vaste, mais tout de même, tout au long de cette heure, nous parlons de la cartographie en trois dimensions de l'univers qui a été publiée cet été, une cartographie qui permet de remonter jusqu'à 11 milliards d'années. Nous en parlons avec Jean-Paul Kneeb, qui est astrophysicien à l'École Polytechnique de Lausanne et initiateur du projet IBOS, et avec Christophe Yège, qui est cosmologiste, directeur de recherche au CEA de Saclay, à l'Institut de Recherche sur les Lois Fondamentales de l'Univers, où nous étions en reportage il y a quelques minutes. Peut-être un mot, Jean-Paul Kneip, avant de passer aux leçons hein, que l'on peut tirer de cette cartographie et aux choses qu'elle peut nous apprendre sur notre univers. Peut-être un mot sur ces différentes couleurs et ces différents objets que vous avez utilisés. Christophe Yesch l'évoquait tout à l'heure, en commençant par les galaxies rouges très proches de nous et très anciennes, aux quasars plus anciens. Comment est-ce que vous avez sélectionné ces marqueurs? Quels sont-ils et jusqu'où peut-on aller dans cette dernière peut-être couche grisâtre aux alentours de 11 milliards d'années qui, je crois, est assez particulière? Alors, pour faire cette carte, on a besoin d'objets. Ces objets vont tracer la matière dans l'univers. Et alors, c'est vrai que plus ces objets sont lointains, ben, finalement, plus ils sont intrinsèquement, ils nous apparaissent plus faiblement dans nos mesures. Et donc, ça devient difficile de faire une mesure de distance pour des objets de plus en plus lointains. Donc, OK, on peut augmenter la taille du télescope, mais on peut aussi essayer de trouver des traceurs, des types de galaxies ou d'objets pour lesquels la mesure est plus facile. Et donc ça, c'était un peu la nouveauté de DBOSS, c'était de oublier un petit peu les galaxies rouges pour lesquelles on mesure très facilement en redshift, mais il faut que... C'est-à-dire les très proches brillantes. Parce qu'il y en a des galaxies rouges qui existent loin dans l'univers, mais plus elles s'éloignent, elles ont peu de lumière à nous donner et on n'arrive pas à trouver une méthode pour déterminer leur redshift, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de réintense d'émission qui nous permette d'identifier ce redshift-là. Donc l'idée, c'était de passer sur d'autres traceurs, donc que sont les galaxies raies d'émission et les quasars, qui eux, donc ils ont peut-être ce qu'on appelle un continu qui est moins important, mais ils ont des raies d'émission, donc des transitions d'éléments chimiques comme l'oxygène ou le carbone, qui sont très intenses sur une faible étendue en longueur d'onde. Et c'est ces raies d'émission qui nous permettent de mesurer le redshift et la distance de ces objets-là. Donc c'était vraiment un changement de paradigme par rapport à ce qui s'était fait auparavant, où on utilisait plutôt des traceurs de galaxies rouges. Et là, on a vraiment essayé de changer, aller chercher des nouveaux objets qui seront dans le futur utilisés de manière beaucoup plus courante que ce qui a été fait dans le passé. Donc on avait ces deux types d'objets, les galaxies à raies d'émission, les galaxies qui apparaissent bleues sur nos images, et puis ces quasars, qui sont des trous noirs supermassifs qui se trouvent au centre de galaxies très lointaines et sont des sources très lumineuses par transformation de la matière en énergie, en photons. Et qu'est-ce que c'est que la forêt Lyman alpha? Alors la forêt Lyman alpha, c'est un autre effet, une autre manière de mesurer aussi la distribution de la matière dans l'univers. Et pour cela, on a besoin de ces quasars très lointains. Mais il faut qu'ils soient déjà suffisamment lointains, donc à des redshifts au-delà de 2.2. Et en fait, les nuages d'hydrogène qui se trouvent en avant-plan par rapport à ces quasars, ils vont imprimer une absorption due à l'hydrogène de la lumière de ces quasars très lointains. Donc sur une ligne de visée, un quasar à redshift, mettons 2.4 ou 3, on va avoir des centaines de nuages d'hydrogène qui sont des petites galaxies en général, qu'on n'arrive même pas à identifier parce qu'elles sont tellement faibles, mais elles absorbent à la raie d'hydrogène un peu de lumière des quasars, et on peut ainsi de manière statistique avoir un accès à un grand nombre de nuages sur la ligne de visée de ces quasars. Et un peu de la même manière qu'on fait en regardant la distribution des galaxies, on peut aussi calculer cette distance caractéristique que je mentionnais, qui correspond aux oscillations baryoniques, aux oscillations baryoniques, dans cette forêt Lyman alpha. Alors, on va peut-être s'intéresser justement à ce que cette carte tridimensionnelle de l'univers nous dit de cet univers. Au début, dans le cahier des charges, en quelque sorte, Christophe Hiesch, Ibos devait à l'origine améliorer la compréhension de ce qu'est l'énergie noire, hein, dont on sait qu'elle participe de l'expansion de l'univers et qu'elle en compose à peu près 70%. Est-ce que ça a été le cas ? Tout à fait. C'est-à-dire que avant, on était capable de déterminer le contenu en énergie noire grâce à une autre, à des chandelles standards, les supernovae. Et là, de façon complètement indépendante, avec cette règle standard, on est capable de confirmer l'existence de l'énergie noire. Mais en fait, tout le pouvoir de la méthode et des méthodes en cosmologie, c'est d'avoir différentes façons de tester, de mesurer la géométrie dans l'univers. On les combine ensemble et puisqu'elles sont des méthodes différentes, avec des contraintes différentes, on est encore plus sensible et on peut tester beaucoup plus précisément l'univers, le contenu de l'univers, le contenu énergétique, dont ce 2/3 d'énergie noire, 1/3 de matière classique, le contenu de cette matière classique contient la matière noire et la matière baryonique, donc on peut le faire. Mais on peut aussi mesurer la courbure de l'univers. Par exemple, on a pu démontrer de façon indépendante que l'univers était avait une courbure plate, ce qui est important. Le CMB, le fond diffus cosmologique, l'avait aussi démontré. Mais lorsqu'on combine les deux, notre mesure plus la mesure du fond diffus cosmologique, on est capable d'améliorer par un ordre de grandeur la précision sur la mesure de la courbure de l'univers. Donc, l'idée, c'est que on peut obtenir des mesures indépendantes, mais en combinant avec les autres sondes cosmologiques, les supernovae, le fond diffus cosmologique, on améliore notre connaissance de l'univers. C'est ce qu'on appelle l'astronomie multimessager, d'une certaine c'est-à-dire c'est la cosmologie, on peut l'attaquer par différentes méthodes, et en combinant ces différentes méthodes, 1+1 ne fait pas 2, 1+1 fait 4, 5 ou 10. C'est ça qui est important. On arrive à confirmer des résultats par différentes sources d'observation. Et on est plus puissant. Bien sûr. Peut-être un mot, Jean-Paul Kneeb, sur l'apport de cette carte en trois dimensions, sur la confirmation, en tout cas, de l'énergie noire, ou en tout cas une autre forme de détection. Alors, oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au final, on fait une mesure de relation entre le redshift distance, et ça nous donne quelle est l'histoire de l'expansion de l'univers en fonction du temps. Et ça vient directement des équations d'Einstein. Cette expansion, cette évolution en taille de l'univers, est directement liée au contenu en masse et en énergie de l'univers. Donc, bon, dans la masse, il y a les baryons, dans la matière classique, il y a la matière noire, il y a les neutrinos, et puis côté énergie, il y a cette énergie noire qu'on a introduit il y a une vingtaine d'années maintenant, et pour laquelle on ne sait pas trop quelle est sa nature, mais par contre elle est là, elle est présente dans les équations si on veut faire en sorte que nos observations qui correspondent à cette évolution de l'expansion accélérée de l'univers, elle est un sens. Donc oui, on confirme, et on confirme cette extension de manière complètement indépendante. C'est-à-dire que si on s'affranchit du CMB, si on s'affranchit des supernovas, nos observations donc de Bose et Ibos confirment de manière complètement indépendante cette accélération de l'expansion de l'univers. Donc c'est aussi très réconfortant, ça veut dire que on a un modèle qui est de plus en plus convaincant. Alors, ça ne veut pas dire qu'on comprend tout dans notre modélisation de l'univers, mais on a une certitude sur cette expansion accélérée aujourd'hui. Et comme le disait Christophe, en combinant ces différents angles d'attaque du problème de l'évolution cosmologique de l'univers, le supernova, le CMB, on a vraiment une convergence sur ces paramètres. On les mesure de plus en plus précisément. Alors, c'est vrai aussi que ça commence aussi à faire ressortir des tensions entre certains paramètres, comme le tension sur le paramétrage zéro, qui est la constante de Hubble. On va reparler de la constante de Hubble dans un instant. J'aimerais juste peut-être revenir, puisque vous l'évoquez, Jean-Paul Knepp, sur l'expansion de l'univers. Non seulement cette carte vient la confirmer, mais en plus elle vient confirmer un certain nombre de détails. C'est-à-dire qu'elle confirme qu'il y a un ralentissement jusqu'à 6 milliards d'années, puis une accélération, Christophe Hiesch. Oui. Pourquoi ? Expliquez-nous pourquoi on comprend justement ça. Comment il faut voir les choses ? Il faut localement, on a observé l'accélération de l'expansion de l'univers récemment, parce que l'univers est constitué essentiellement d'énergie noire, et cette énergie noire se comporte de façon répulsive, point de vue de la gravitation. En contrepartie, la matière noire, la matière classique, a tendance à freiner cette expansion de l'univers. Donc actuellement, on est dominé par l'énergie noire. Donc, au lieu de freiner l'expansion de l'univers, au contraire, elle accélère. Maintenant, si on remonte dans le temps, la répartition d'énergie noire et de matière classique, matière gravitationnelle, n'est pas la même. Et la matière noire et la matière classique dominaient il y a 8 milliards d'années. Donc, à ce moment-là, il y a eu, l'expansion de l'univers a freiné, a ralenti. Voilà. Donc, tout est lié à cette répartition relative d'énergie noire et de matière noire et matière baryonique. Autre enseignement aussi que vous évoquiez à l'instant, Christophe Hiesch, et qui est très, très intéressant, c'est une confirmation de la courbure, ou en tout cas de la nature de la courbure de l'univers, Jean-Paul Knebb. Oui, tout à fait. Alors, dans le modèle cosmologique, il y a cette évolution au cours du temps, mais on se pose aussi la question. Parce qu'il y a un ingrédient dans tout ça aussi, c'est la géométrie de l'univers. On peut avoir un univers qui est courbe, qui peut être plat, la courbure peut être soit positive, soit négative, et ça intervient aussi dans les équations d'Einstein, cette courbure. Donc en fait, j'ai mentionné le contenu en masse et en énergie, mais il y a aussi, de l'autre côté de l'équation, la courbure de l'univers. Et alors la courbure, c'est pas forcément quelque chose qui est très appréciable en quatre dimensions, parce que souvent on parle de la courbure à quatre dimensions de l'univers. Nous, on a plus l'habitude de voir la courbure en trois dimensions d'un objet. Donc, est-ce que c'est plan, est-ce que c'est une feuille plane, ou est-ce que c'est une sphère? Donc voilà, c'est l'image de la, quand on parle de la courbure de l'univers, c'est la courbure en quatre dimensions, sachant que notre espace physique tel qu'on le connaît sur Terre, lui, est à trois dimensions et il est plat. Mais on regarde l'univers à des échelles tellement plus grandes qu'effectivement, il pourrait être localement plat sur Terre, mais courbe à plus grande échelle. Mais toutes nos observations, en fait, et en les combinant notamment avec le CMB, montrent qu'on a besoin d'un univers plat. Alors, je vous en prie, Christophe. Cette courbure, c'est une information locale, mais elle a une grande importance sur l'avenir de l'univers. C'est-à-dire que l'univers, si on a une courbure négative, peut être en expansion infinie, sans limite. Tandis que si on a une courbure positive, l'expansion va s'arrêter, l'univers va se recontracter. Ou si on a l'expansion, si on a une courbure nulle, comme on est actuellement, sans doute, on va avoir une expansion infinie, sans limite, mais plus modérée que lorsque, dans le cas de courbure négative. Mais vous conviendrez l'un et l'autre qu'il est difficile de se figurer ce dont nous sommes en train de parler, à savoir que l'univers que cette carte tridimensionnelle permet de confirmer une courbure quasi nulle de l'univers, alors qu'on parle d'une carte en trois dimensions qui fait l'effet d'une sphère tridimensionnelle. Donc comment est-ce qu'on peut contrevenir à cette espèce de petit... Toutes les informations qu'on extrait sont à travers un modèle cosmologique avec des équations relativement simples établies par Einstein, et c'est à travers ce modèle-là qu'on peut en déduire des informations, par exemple sur la courbure de l'univers. Jean-Paul Knebb, comment faire pour lutter contre cette petite dissonance cognitive? Moi, je pense qu'il faut se dire que ce qu'on montre dans cette vidéo et puis dans la carte qu'on a publiée, c'est une représentation simplifiée. Parce que en fait, finalement, l'axe, on représente une carte qui est à trois dimensions, mais en fait, en pratique, c'est, on devrait intégrer une carte à quatre dimensions, vu qu'on a cette distance qui est relative dans cette carte par rapport à nous, qui est à la fois une distance et à la fois un temps. Donc, vraiment, l'idée, c'est qu'il faut se représenter ça, c'est un raccourci de la réalité. Quelque part, on représente une carte en trois dimensions, mais qui est en fait une carte à quatre dimensions. Donc, bon, c'est peut-être pas satisfaisant, mais c'est en fait, c'est ça le problème, c'est que, en fait, ça serait trop compliqué. Enfin, on n'a pas d'outils de représentation, en tout cas simple, d'un espace à quatre dimensions. Un mot peut-être rapide, Jean-Paul Knepp, sur ce que vous évoquiez aussi, un autre des enseignements de cette cartographie en trois dimensions, c'est la constante de Hubble, dont les mesures varient en fonction de la distance des objets qui sont utilisés pour les mesurer, puisque là on a des objets à la fois très proches et à la fois très lointains. Que dit cette carte à propos justement de cette fameuse variable dont vous pouvez nous rappeler la nature d'ailleurs? Alors, la constante de Hubble, quand on l'a mesurée pour la première fois, donc c'était dans les années 1920-1930, c'est quand on a trouvé que l'univers était en expansion. Et elle mesure l'expansion locale de notre univers au temps d'aujourd'hui. Alors, bien sûr, quand on a fait cette première mesure il y a un siècle, bon, elle n'était pas très précise, et puis au cours du temps, elle s'est affinée avec des mesures de plus en plus précises en utilisant des techniques différentes qui incluaient des objets de plus en plus lointains. Donc, on a parlé, on a eu dans l'interview au début là de 1967, on parlait de céphéides, et encore aujourd'hui, on utilise des céphéides pour mesurer localement cette expansion de l'univers. Alors après, ce qu'on fait, par exemple, en étudiant le CMB ou en étudiant... Le fond diffus cosmologique, donc le fond diffus cosmologique, ou même nos galaxies, qui sont finalement très lointaines, qu'on est à 11 milliards d'années de nous, on fait des mesures statistiques qui sont beaucoup plus globales au niveau de l'univers lui-même. Et donc, c'est pas forcément surprenant, en tout cas, je veux dire, dans une première mesure, d'avoir des dissonances entre ces différentes mesures qui sont faites par des méthodes totalement différentes. Alors, bien sûr, quand on mesure H0 avec le fond diffus cosmologique, il y a une interprétation qu'on fait, parce que on mesure pas directement la constante de Hubble du fond diffus cosmologique, mais on recale l'expansion locale, parce que H0, c'est une mesure de l'expansion locale à travers les observations du fond diffus cosmologique. Donc, ce qu'on mesure, c'est pas tout à fait la même chose, et on peut imaginer avoir des ce qu'on appelle des systématiques dans ces différentes mesures qui font que, comme on mesure pas tout à fait la même chose, on va avoir une tension entre la valeur mesurée par les différentes techniques. Donc, idéalement, bien sûr, on voudrait que ça soit la même mesure, on aboutisse à la même mesure, parce que ça veut dire qu'on a bien compris tout comment marche notre univers. Pour conclure en quelques secondes, hein, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, hein, Jean-Paul Knebb. et ça, je pense que c'est encore quelque chose qu'il nous reste à faire. Et c'est, en termes d'astrophysicien, on a deux aspects à regarder. Une partie théorique, est-ce que notre modèle théorique est correct ? Parce que c'est lui qu'on utilise pour faire le lien entre les objets lointains et les objets et notre univers local, et aussi bien comprendre les systématiques, les erreurs qui peuvent être introduites dans les méthodes locales d'observation, parce que c'est très difficile en fait de mesurer localement la distance des objets. La mesure de la troisième dimension est difficile. Et on vous promet qu'on fera une émission et qu'on consacrera une émission entière à cette constante de Hubble qui donne encore du fil à retordre, comme on l'aura compris, à la cosmologie et l'astrophysique contemporaine. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Christophe Yesch, merci Jean-Paul Knepp d'être venu nous parler de cette gigantesque et cette magnifique carte en trois dimensions de notre univers. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Eve Etienne, Céline Lozen, Nomi Naguet, Saint-Vulfran, Natacha Triou, François Malordi, Antoine Beauchamp, Alexandra Longuet à la réalisation, Edouard Rubinstein à la technique. Demain, nous reviendrons sur une autre actualité importante de cet été, le sort de l'Arctique avec des températures records enregistrées en Sibérie jusqu'à 38 degrés. Et cette question levée par une publication dans la revue Nature, La Banquise Arctique est-elle arrivée au point de non-retour ? On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.